à l'époque et encore aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à l'indépendance? Le sentiment par rapport à l'indépendance, j'estime qu'un peuple après 100 ans de colonialisme, donc normal qu'il retrouve l'indépendance, qu'il trouve l'indépendance plutôt. Vous croyez que c'était un sentiment général? Bon, bien sûr, c'était pas un sentiment général parce que les Pieds-Noirs, eux aussi, ils étaient nés en Algérie, ils pensaient que l'Algérie allait être encore un petit peu française. Il faut se mettre un peu à la place aussi. Ils ont vécu là-bas, ils ont eu leurs enfants, ils ont eu des parents. Enfin, c'est normal qu'ils avaient un sentiment de. Pour moi, je crois que la France s'est laissée tomber, mais enfin, normalement, l'Algérie devait être indépendante.